écoutez, bonnes gens, la cruelle et douloureuse histoire des frères Dalton qui furent l'incarnation du mal, et que ceci serve d'exemple à tous ceux que le diable écarte du droit chemin. Tout petit à l'école, à la place des crayons, ils avaient des limes en guise de cravate, des cordes de lin. Ne vous étonnez pas, c'est leur tout premier crime d'avoir fait mourir leur maman de chagrin. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, il n'y a plus personne. Les années passèrent. Ils s'étaient débrouillés pour attraper la rage et ficeler le docteur qui faisait les vaccins et puis contaminer les gens du voisinage, s'amusant à les mordre, bien accuser les chiens. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, il n'y a plus personne. Ils devinrent des hommes. Un conseil, mon ami, avant de les croiser: embrasse ta femme, serre-moi la main. Vite sur la vie, va te faire assurer. Tranche-toi la gorge et jette-toi sous le frein. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, y'a plus personne. Les jours, leur tête augmentait de 20 centimes. Des centimes américains. Ils étaient vaniteux et avides d'argent. Ils se livrèrent eux-mêmes pour toucher la prime. Car ils étaient encore plus bêtes que méchants. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, y'a plus personne.